بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le jeudi 5 du mois de l'Hijjah de l'année 1444, correspondant au 22 juin 2023. Aujourd'hui, mes frères, c'est le dernier cours de cette série au sujet du grand pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, ce que nous allons faire, comme je vous ai parlé du livre de Cheikh Al-Albani, et rahimallah au sujet du pèlerinage, j'ai pensé que ça peut être une bonne idée pour ceux qui ne lisent pas ou qui n'ont pas la possibilité de lire, qu'on essaye de voir ensemble ce livre et de le faire dans son intégralité, d'une manière résumée, en mentionnant les points les plus importants et en essayant de rien louper du contenu du livre et du travail de Cheikh rahimahullah ta'ala, l'imam Muhammad Nasir al-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah élève ses degrés dans le paradis. Donc on va ensemble, inshallah, en allant un peu vite, là, vous imaginez, résumer un livre où chaque phrase, chaque ligne a son importance. C'est pas quelque chose de facile d'éviter beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va aller un petit peu vite, inshallah ta'ala. Je vais faire le résumé et la traduction directement en lisant sur le livre de Cheikh que je vous ai envoyé dans le groupe. Vous pouvez suivre. Donc la première chose par laquelle Cheikh rahimahullah a commencé, c'est de donner des conseils et des recommandations à celui qui souhaite faire le pèlerinage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le pèlerinage est une grande adoration, sa rétribution c'est le paradis. Celui qui fait le pèlerinage en se repentant de ses péchés passés et sans commettre de péché pendant son pèlerinage, il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est quelque chose d'immense. Lakin, parmi les points importants, c'est d'être en garde contre l'associationnisme dans lequel certains tombent même autour de l'Kaaba. Chercher bénédiction dans des objets où il n'y a aucune preuve que c'est un objet qu'on peut toucher avec l'intention de tirer baraka et bénédiction, ça c'est des formes de shirk. Également, il a cité le deuxième point, certains qui veulent s'embellir pour cette adoration du pèlerinage pour les hommes et ils vont raser la barbe car ils se sont habitués. Quand même en français, ils le disent, il s'est fait beau et il s'est rasé. Ça, c'est faux. Ça, c'est contre la nature humaine saine. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, Alhamdulillah, illadhi zayyana al-rijala bil-liha. Elle a dit, Alhamdulillah, qui a embelli les hommes avec la barbe. Donc, s'embellir, c'est de laisser sa barbe et c'est une obligation religieuse de toute façon. Troisième point. Les hommes qui portent des bagues en or, et ça c'est haram, ou ce qu'ils appellent des bagues de fiançailles, ça c'est une ressemblance aux chrétiens, il faut éviter ces choses-là. Celui, toute personne qui souhaite faire le pèlerinage et qui vient sans ramener avec elle la bête qu'elle offrira, pour cette personne, c'est une obligation, et pour la plupart des savants, c'est fortement recommandé de faire le pèlerinage selon la forme de tamattu', c'est-à-dire qu'il va faire une umra, il va la terminer, se désacraliser et attendre le 8 de l'Hijjah pour commencer son pèlerinage. Et ça, c'est la meilleure forme. C'est ce que le Nabi Aïssa-Salam a ordonné à ses compagnons. Et il s'est mis en colère contre ceux qui n'ont pas obéi à cet ordre du prophète Aïssa-Salam. Mais ils avaient des excuses, chose qu'on avait détaillée dans d'autres cours. Taïb. Également parmi les points, qu'il a cité, rahimahullah, c'est que les hommes de science, ils doivent profiter de cette occasion du pèlerinage où les musulmans se regroupent des quatre coins de la planète pour leur enseigner leur religion et à la tête de leur religion, bien évidemment, l'aqida, pour leur enseigner tawhid. C'est une occasion pour leur enseigner at-tawhid. Et Cheikh rahimahullah, il a mis en garde contre le délaissement de ceux qui viennent directement à Arafat. Naam. Passer la nuit à Mina, la nuit du 9, yani tu viens le 8 à Mina et tu passes la nuit, le lendemain tu vas à Arafat. Ça c'est une sunna. Mais il ne faut pas la délaisser sous prétexte que c'est une sunna. Le Nabi alayhi salam a dit: prenez de moi vos rites. Et le Nabi alayhi salam, il a fait comme ça. Il a passé cette nuit à Mina. Également à Muzdalifa, reste et passe la nuit jusqu'au Fajr, sauf pour les démunis et les femmes, et leurs accompagnateurs, comme on a détaillé. Mais dans ce cours, je vais essayer de parler comme si on parle pour la première fois, comme ça, ça sera, Inch'Allah, un cours complet pour celui qui veut écouter uniquement ça, pour son pèlerinage. Donc, je ne vais pas renvoyer vers ce qu'on a dit précédemment. Taïd. Fais attention à ne pas passer devant quelqu'un qui fait salat dans le haram, car c'est interdit dans le haram et en dehors de le haram. S'il a une sutra, passe après la sutra. Et s'il n'a pas de sutra, ne passe pas entre lui et l'endroit où il se prosterne. Ne passe pas entre lui et l'endroit où il se prosterne. Ça, c'est quelques recommandations. Ensuite, Nabi alayhi salam, dans son pèlerinage, il n'a pas été interrogé au sujet d'une chose sans qu'il dise « fais et il n'y a pas de mal ». Le pèlerinage est basé sur la souplesse et la facilité, et l'ordre. On a vu l'ordre selon lequel Nabi alayhi salam a fait son pèlerinage, mais si tu fais dans un ordre différent, il n'y a pas de mal. On va voir les choses qu'on peut ne pas, dans lesquelles on peut ne pas respecter l'ordre, à cause du grand nombre de pèlerins et d'autres raisons, et l'organisation des agences, et ainsi de suite. Il y a des pèlerins qui voient que c'est un mal de se doucher, et il n'y a aucun mal en cela, même s'il n'y a aucune raison. Quelqu'un, il veut se rafraîchir, il veut se laver, il peut se doucher. Juste, il n'utilise pas de savon ni de shampoing parfumé. Il n'y a pas de mal à se frotter la tête. Également, même s'il y a des poils qui tombent ou des cheveux qui tombent, il n'y a pas de mal du moment que tu ne l'as pas fait exprès. Tu as voulu frotter ta tête et il y a quelque chose qui est tombé, il n'y a pas de mal en cela. S'il y a un ongle qui se casse, qui s'est cassé, il n'y a pas de mal. Tu n'es pas blâmé pour cela. Il ne faut pas que tu coupes volontairement tes ongles. Il n'y a pas de mal non plus à sombrer sous une tente ou là avec un parapluie, de porter un parapluie. Ce qu'il faut pas faire, c'est mettre quelque chose en contact avec la tête. Ça, il faut pas le faire. Il y a pas de mal à porter une bague, à porter une montre, des lunettes, à avoir ton portefeuille, ton porte-monnaie, avec toi, il n'y a pas de mal dans toutes ces choses-là. Donc, tu vas commencer, tu te prépares à entrer dans l'état de sacralisation et à mettre l'intention de l'adoration. Il t'est recommandé de faire le ghusl, un ghusl pour ce ihram spécifiquement. Comme bien même c'est une femme ayant ses menstrues ou ses élochies. Elle fait le ghusl également. Et ensuite, l'homme portera tout vêtement qui n'est pas fait selon la forme du corps. Il peut porter tous les vêtements qui ne sont pas faits ni selon la forme du corps. Et il porte rida ou l'izar, les draps qu'il met sur la partie supérieure, la partie inférieure de son corps. Il porte des souliers également. Ça, c'est pour l'homme. Mais il ne porte pas une taguilla ou la, une casquette ou là, un chapeau. Ça, non. Tout ce qui est en contact direct avec la tête, il ne le porte pas. Par contre, la femme, elle s'habille normalement. Juste qu'elle ne porte pas un niqab et elle ne porte pas les gants non plus. Elle ne porte pas les gants non plus. L'homme, il évite tout ce qui est pantalon, tout ce qui est kamis, tout ce qui est fait sur la forme du corps. L'homme, il peut porter l'ihram avant d'arriver au miqat. Il peut porter l'ihram avant d'arriver au miqat, il n'y a pas de mal en cela. Au contraire, c'est une facilité pour les pèlerins qui viennent en avion, qu'ils puissent le porter même chez eux, il n'y a pas de mal, ou avant de monter dans l'avion, ou dans l'avion, afin d'être prêts au moment où ils vont leur dire que maintenant on passe par le miqat. À ce moment-là, ils doivent mettre l'intention du rite qu'ils vont faire. Umrah ou Hajj, ou les deux, selon une des trois formes du pèlerinage. Mais ils ne doivent pas mettre l'intention avant le miqat. Ils attendent de s'approcher de le miqat quand ils leur disent que maintenant c'est le miqat, c'est à ce moment-là qu'ils mettent l'intention. C'est une bid'a de mettre l'intention avant le miqat. C'est une bid'a. Là, qu'il se s'habiller, se préparer chez lui, il n'y a pas de mal. Aussi, il est légiféré pour lui de se parfumer et de parfumer son corps avec tous les parfums qu'il souhaite. Par contre, les femmes, elles ne mettent pas de parfum, elles ne se parfument pas. Et tout ça avant de mettre l'intention de l'ihram. Quand il arrive au miqat, à ce moment-là, il met l'intention de l'ihram. Et l'intention, elle est dans le cœur comme pour toutes les autres adorations. Et ensuite, après avoir mis cette intention, il est légiféré pour lui de dire « Labbayk Allahumma umra » s'il va faire l'umra pour le mutamattir. Ou il dit « Labbayk Allahumma hajjatan wa umra » s'il va faire le qiran, les deux en même temps. Ou il dit « Labbayk Allahumma hajja » s'il va faire l'ifrad, il va faire le pèlerinage seulement. Donc, il prononce ça. Et ça, c'est une formule qui est légiférée à ce moment-là. S'il ne la prononce pas, il a délaissé une sunnah, mais son hajj est valide. Et après, il commence telbiya. Et il continue telbiya jusqu'à lapider la dernière pierre des sept cailloux avec lesquels il lapide la stèle de l'Aqaba. Jamratul Aqaba. Donc, pour ceux qui vont venir de Médine, qui vont venir d'abord à Médine, et de Médine, ils vont partir à Mecca, leur miqat, c'est Dhul Hulayfa. Leur miqat, c'est Dhul Hulayfa. Pour ceux qui arrivent en avion à Jeddah, et de Jeddah, ils vont aller directement à Mecca, pour eux, ils vont passer par le miqat dans l'avion. Donc, il faut qu'ils se préparent dans l'avion, ou chez eux, ou avant de monter dans l'avion, et dans l'avion, quand ils leur disent « on passe par le miqat », ils mettent l'intention. Et ainsi, ils sont entrés dans l'état de sacralisation. Ça, c'est pour les deux miqats qui nous concernent. On ne va pas rentrer dans tous les miqats, uniquement ceux qui nous concernent, c'est ou bien le Médine ou un miqat qui est avant Jeddah. Il est légiféré pour la personne qui craint avoir un empêchement, quelque chose qui l'empêche de finir son pèlerinage ou sa umra. Par exemple, une femme qui a un début de maladie ou un homme qui est très épuisé, il craint qu'il ne puisse pas finir son pèlerinage, ou une femme elle craint d'avoir ses menstrues ou des choses comme ça et ne pas pouvoir rester jusqu'à ce qu'elle devient pure et finir son pèlerinage. Toutes ces personnes-là qui craignent avoir un empêchement, il est légiféré pour eux de dire « Allahumma mahilli haythu habastani » Ou Allah, là où tu me stoppes, je vais arrêter mon rite. Ou je vais arrêter mes rites. Naam. Ou Allah, là où tu m'arrêtes, je vais arrêter mes rites. Comme ça, s'il lui arrive un empêchement, il peut se désacraliser sans être redevable de quoi que ce soit. Car comme vous savez, le pèlerinage et l'umrah, ce sont des adorations. Quand tu les commences, tu ne peux plus les arrêter. Tu ne peux plus les arrêter. Comme bien même c'est des tu les fais d'une manière surrogatoire. Quelqu'un qui a déjà fait le hajj, il fait un hajj, il commence le hajj, il ne peut plus l'arrêter. Car Allah Azza wa Jalla dit wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah. Tu le commences, tu dois le finir. Et donc quelqu'un qui craint avoir un empêchement, il est légiféré pour lui de prononcer cette formule après avoir mis l'intention du pèlerinage ou de l'umra. Il n'y a pas de salat spécifique pour l'ihram. Une fois que tu as mis l'intention, il n'y a pas une salat qui est légiférée. Il n'y a pas une salat qui est légiférée. Lakin, si tu mets l'intention et juste après c'est l'heure d'une salat obligatoire ou c'est l'heure d'une salat surrogatoire que tu fais habituellement, tu l'as fait. Lakin, de dire que l'ihram a une salat, non, ça c'est faux. Il n'a pas de salat. Lakin, si tu le fais et après c'est l'heure d'une salat, fais cette salat. C'est ce qui est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, celui qui vient de Médine, il passe par Dhul Hulayfa, le miqad de Dhul Hulayfa, il est légiféré pour lui de faire deux rak'at. Pas par rapport au ihram, comme certains pensent. Non. Par rapport à l'endroit par lequel il passe. Car le Nabi alayhi salam a dit أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وفي رواية عمرة وحجة عمرة في حجة أو عمرة وحجة. Donc النبي عليه الصلاة والسلام, un messager de la part de son Seigneur est venu lui ordonner de faire deux rak'at dans cet endroit béni. Dans cet endroit béni qu'on appelle Wadi al-Aqiq, la vallée de l'Aqiq. Et donc ces deux rak'at, c'est pas en lien avec le pèlerinage ou avec l'Umra. C'est légiféré pour toute personne qui passe par cet endroit de faire ces deux rak'at, car c'est un endroit béni. Et ça, c'est là où ils ont construit aujourd'hui la mosquée de Dhul Hulayfa. Donc tu rentres dans la mosquée et tu fais deux rak'at. Ensuite, tu commences à faire telbiya et tu hausses ta voix avec telbiya. Tu hausses ta voix avec telbiya. Et tu dis labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tu la chantes pas. C'est comme ça qu'a dit notre cheikh Abdullah al-Bukhari. Comme dans toutes les invocations. On ne chante pas les invocations. Au contraire, on montre l'humilité et la modestie et notre dépendance de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et tu continues à faire telbiya, car le meilleur du pèlerinage, c'est de hausser la voix avec telbiya et de couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam, il faisait telbiya. Il a été rapporté de Nabi alayhi salam dans l'authentique de l'imam muslim que Moussa il a vu Moussa alayhi salam comme s'il voyait Moussa alayhi salam en descendant d'un petit mont en faisant telbiya. Il haussait la voix fortement avec telbiya. Donc ça c'est par rapport à telbiya. Il peut dire avec telbiya tahlil لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il peut dire لا إله إلا الله, il peut dire autre chose. Là qu'il le mieux et ce qu'il doit faire le plus, c'est التلبية. Et dès qu'il arrive devant le Haram al-Makki, devant le Haram al-Makki, dès qu'il arrive là-bas, il arrête التلبية afin de commencer à faire ce qu'il doit faire. Taïb, il y a une sunna que, en général, les gens aujourd'hui, ils peuvent plus la faire. Avant d'entrer à Mecca, si tu peux faire un rosl, fais-le. Là, en général, les gens, ils rentrent directement à Mecca. Même pour nous, c'est difficile de s'arrêter avant pour faire un rosl, avant de rentrer dans le périmètre de Mecca. Et quand il rentre dans la mosquée de Mecca, al-Masjid al-Haram, il fait comme il fait dans toute mosquée. Il entre par le pied droit. Il entre par le pied droit. Il dit Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ou il dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Il dit A'udhu billahi al-azim. Wa bi wajhi al-karim. Wa sultani al-qadim. Min al-shaytani al-rajim. Et quand il voit le Kaaba, il lève ses mains s'il veut. Car ça a été rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et il n'a pas été rapporté du prophète, alayhi sallam, une invocation spécifique quand il voyait le Kaaba, dès son arrivée. Lakin, ça a été rapporté de Umar, radiyallahu anhu, qu'il disait, Allahumma anta salam, wa minka salam, fa hayyina rabbana bis salam. Donc, il peut dire cette invocation. C'est rapporté d'un calife bien guidé, d'une manière authentique. Il entre, il dit ce qu'il dit habituellement dans les mosquées. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Et a'udhu billahi al-azim wa wajhi al-karim wa sultan al-qadim min shaytan al-rajim. Et quand il voit le Kaaba, il lève ses mains, il dit Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fa hayyina rabbana bis-salam. Ensuite, il va commencer tawaf al-qudum. Et ça c'est pour ceux qui vont faire tamattu', ils vont commencer par tawaf al-umra. Lakin ceux qui font pas de tamattu', ils vont commencer par tawaf al-qudum et c'est une sunna pour eux. Et pour ceux qui font l'umra, c'est un pilier de l'umra. C'est un pilier de l'umra. Donc il va commencer à tawaf. Il va vers le coin dans lequel il y a la pierre noire. Il se dirige vers le Qibla, qui est bien évidemment le Kaaba en face de lui. C'est ça le Qibla. Enfin, tu es en face de le Qibla. Partout où tu tournes, tu t'orientes vers le Qibla. Allahu Akbar. C'est un sentiment très fort. Yani, tu es à un endroit où le Qibla, c'est pas comme chez toi. Toujours la même direction. Là, le Qibla, elle change à chaque instant. Tu t'avances, le Qibla, elle change. Car la Qibla, maintenant, elle est en face de toi. C'est le Kaaba al-Musharrafa. Zadaha Allahu tashrifan. Et tu te diriges vers le Qibla et tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Et ça, tu le dis, Bismillah, dans la première fois. Et tu dis, Allahu Akbar. Et ensuite, tu prends la pierre noire, tu la touches avec la main, tu l'embrasses avec la bouche, et tu fais une prosternation sur cette pierre noire. Tout ça, tu vas pas pouvoir le faire. Rassure-toi. Sauf si tu veux prendre des grands péchés. Donc, toi, ce que tu vas faire un signe avec la main. Si tu peux la toucher avec un objet, t'embrasses ta main après l'avoir touchée avec cet objet. Si tu peux la toucher avec ta main, seulement sans pouvoir l'embrasser, tu la touches uniquement avec la main et t'embrasses la main. Mais ça, tu vas pas pouvoir le faire non plus. Et si tu peux pas, à ce moment-là, tu vas faire un signe avec la main seulement et tu ne vas pas embrasser ta main. Tu n'embrasses que ce qui a touché le Hajar al-Aswad. Ou tu l'embrasses directement. Amma, si tu fais un signe, il n'est pas légiféré pour toi d'embrasser ta main quand tu fais un signe. Et ça, tu vas le faire à chaque tour autour de le Kaaba. Tu vas dire Allahu Akbar et tu vas faire un signe vers le Kaaba. Et Bismillah, tu l'as dit dans la première fois seulement. Et tu ne bouscules personne, tu vas doucement, tu t'éloignes des femmes. Et la femme, elle s'éloigne des hommes. Et la femme, si elle peut choisir un moment où les gens font la salat et elle fait tawaf afin de ne pas se bousculer avec les hommes, c'est meilleur pour elle. Comme faisaient les mères des croyants, radiyallahu anhun. Mais à l'époque, quand les gens ils faisaient salat, il y avait beaucoup d'espace. Maintenant, tu ne vas pas trouver de l'espace même pendant que les gens font salat. Taï. Yani, a touché le Hajar al-Aswad, il y a un grand mérite. Le Hajar al-Aswad, c'est une pierre qui descend du paradis. Et quand elle est descendue, elle était plus blanche que la neige. Et ce qu'il a noirci, c'est les péchés des gens et des associateurs. Yani, je dis associateur, c'est aussi juste. Lakin, peut-être c'est plus facile de dire associateur. Et associateur, c'est peut-être meilleur également. Lakin, ça donne à peu près le même sens. Tayyib. C'est une expiation des péchés également, de toucher le Hajar Aswad. Lakin, sans faire de mal. Et il témoignera en ta faveur que tu l'as touché. Si tu l'as touché, en te conformant à la sunna, comme c'est rapporté. Et ensuite, tu continues à faire ton tawaf. Quand tu fais ton tawaf, tu commences par le côté où il y a le Hajar Aswad, la pierre noire. Le Kaaba, elle est à ta gauche. Et tu tournes autour de le Kaaba. Le coin qui va arriver, le deuxième et le troisième, c'est les deux coins yéménites. Il n'est pas légiféré de les toucher ou de faire quoi que ce soit. Le troisième qui va venir, c'est le côté yéménite, qui est juste avant le côté de la pierre noire. Celui-là, il est légiféré de passer la main dessus. C'est une sunna. Mais de ne pas l'embrasser, ni d'embrasser ta main. Uniquement de passer la main. Et si tu ne peux pas toucher le côté yéménite, il n'est pas légiféré de faire un signe. Le signe, c'est uniquement pour la pierre noire. Et entre le côté yéménite et la pierre noire, tu dis « Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar. » Voilà, pour le tawaf, tu vas faire 7 tours de cette manière, pendant lesquels tu vas invoquer Allah beaucoup, tu vas lire le Coran, tu vas faire du'a, tu vas faire les évocations, tu vas faire toutes ces choses-là. Et entre le côté yéménite et le côté de la pierre noire, tu dis « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ». Et quand tu auras terminé les 7 tours, tu vas aller derrière le maqam Ibrahim alayhi salam. Et le haram est entièrement un maqam. Et même en dehors du haram, toute Mecca est un maqam. Si tu ne peux pas prier dans le haram, tu peux prier en rentrant chez toi. Lakin, tu trouveras un endroit pour faire salat dans le masjid al-haram. Tu trouveras un endroit. Donc, dès que tu as terminé, tu vas couvrir ton épaule droite. Parce que dans les 3 premiers tours, tu vas presser un peu les pas. Tu vas marcher avec une petite vitesse. Lakin ça, tu vas pas pouvoir le faire. Si tu peux, fais-le. Et tu vas découvrir l'épaule droite. Pendant les 3 premiers tours, tu fais ce qu'on appelle ramal. Tu presses les pas. Et pendant les 7 tours, tu vas faire ce qu'on appelle ittiba. Tu vas découvrir l'épaule droite. Dès que tu as terminé les 7 tours, tu couvres l'épaule droite avant de faire salat. Car il est demandé de couvrir les épaules pour la salat. Tu vas couvrir l'épaule droite et tu vas faire 2 rak'at. Dans la première rak'at, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun avec le Fatiha. Et la deuxième, tu récites Qul huwallahu ahad avec le Fatiha. Et ensuite, après avoir fait ces 2 rak'at, tu vas boire Zamzam. Et t'en mets sur la tête, comme Nabi alayhi salam a fait. Zamzam est une eau bénie. Elle est une nourriture et un remède contre les maladies. C'est la meilleure eau sur terre. Et quand tu as bu Zamzam, tu reviens pour faire la même chose devant le Hajar al-Aswad, la pierre noire. Si tu peux l'embrasser, si tu peux la toucher, embrasser ta main. Sinon, tu fais un signe et c'est ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire un signe seulement. Et dire Allahu Akbar. Comme ça, tu as fini tawaf et tu as fini tout ce qui est en lien avec tawaf. Tu vas te diriger vers Sa'i, entre Safa et le Marwa. Tu vas te diriger vers Sa'i, entre Safa et le Marwa. Tu commences par Safa. Dès que tu t'approches de Safa, tu dis « Inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah ». Et si tu mémorises la suite, tu dis « Faman hajja al-bayta aw i'tamara, fala junaha alayhi ayyattawafa bihima ». وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Ensuite, tu dis, نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. On commence par quoi Allah a commencé. Allah, dans ce verset, il a commencé par Safa. Et toi aussi, tu vas commencer par Safa. Et tu vas monter had le mont de Safa, et ensuite tu te diriges vers le Kaaba, tu t'orientes vers le Kaaba et tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ensuite tu dis La ilaha illallah wahdahu anja wahdahu la sharika lah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Une fois que tu as dit ces trois dua, tu vas faire dua autant que tu souhaites. Et le sunnah, c'est de le faire longtemps. Longtemps. Nabi alayhi salam, c'est parmi les endroits où il a fait le plus de dua. C'est cet endroit-là. Sur Safa et sur le Marwa. Et le deuxième, c'est après la lapidation qu'on va voir. Ça, c'est les deux endroits où il a fait des dua extrêmement longs. Yani, c'est rapporté que ça a duré le temps de la récitation de Surat al-Baqara. Yani, à peu près, yani, presque une heure d'invocation. Sur chaque mont. Yani, une heure ou là, entre une demi-heure et quelque chose comme ça. En tout cas, c'était une dua de l'équivalent du temps dans lequel on récite Surat al-Baqara. Tayyib. Après avoir fini cette première fois, tu vas répéter la même chose trois fois. Et la dernière fois, tu ne fais pas de dua. C'est-à-dire, une deuxième fois, tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Et ensuite, tu fais le dua. Et tu la répètes une troisième fois, mais tu ne fais pas de dua à la troisième fois. Et c'est comme ça que tu vas faire sur Safa à chaque fois et sur le Marwa à chaque fois. Et ensuite, tu descends de Safa vers le Marwa. Et à mi-chemin, tu vas voir, il y a un endroit où ils ont mis un feu vert. Quand tu arrives à ce feu vert, c'est là où tu dois marcher, tu dois courir. C'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Et la femme, elle ne fait pas ça. Ça, c'est une sunna pour les hommes. Nabi alayhi salam, il a couru tellement vite qu'il a failli perdre son empan. Tu cours vite sans faire du mal à personne. Entre les deux feux verts que tu vas voir. Et ensuite, tu continues à marcher, à faire dua, comme pour tawaf. Tu récites le Coran, tu fais des évocations, des invocations, tout ça est légiféré. Et quand tu arrives sur le Marwa, tu vas t'arrêter, tu te diriges vers le Kaaba et tu fais la même chose que sur le Marwa. Tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ainsi de suite. Tu répètes ça trois fois. Donc, un aller entre Safa et le Marwa, ça compte pour un. Le retour, ça compte pour deux. Et tu vas faire sept fois. Donc, tu commences par Safa. Forcément, comme c'est un chiffre impair, tu vas terminer sur le Marwa. Quand tu termines sur le Marwa, est-ce que tu fais la même chose, du'a, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou tu le fais pas? Il y a une divergence. Personnellement, je ne le fais pas. Pour les femmes, pour les personnes faibles, ils ont mis en place des voiturettes pour faire tawaf. Là, pour ceux qui peuvent marcher, c'est meilleur de marcher. Et c'est ce que préférait le Nabi alayhi salatu wassalam. Lakin, pour les femmes, les personnes âgées, alhamdoulilah, il y a cette facilité. Ils ont réservé un étage pour les voiturettes avec lesquelles tu peux faire tawaf et tu peux faire le sa'i entre Safa et le Marwa. Yani, dans un endroit climatisé, yani, mashallah. Alhamdoulilah. Qu'Allah les récompense pour faciliter ces adorations, surtout pour les personnes faible et démuni. Donc, une fois que tu auras terminé Safa, et Sa'i entre Safa et le Marwa, il ne te reste que de raser les cheveux ou de les raccourcir. Pour la femme, il n'est légiféré que de raccourcir. Le rasage, c'est pour l'homme. Et comme l'homme, yani comme il finit l'Umra, et bientôt il va y avoir le Hajj, surtout si c'est une personne dont les cheveux ne poussent pas vite, c'est mieux de raccourcir seulement et de ne pas raser, pour avoir des cheveux à raser pour le pèlerinage. Donc comme ça, il a terminé, il rentre chez lui, il porte ses vêtements, il se lave, il se douche, et il attend le 8 du mois d'Al-Hijja. Il attend le 8 du mois d'Al-Hijja, le jour de Tarwiyah, dans lequel vont démarrer les rites du pèlerinage. Donc, en étant chez lui, il va se préparer comme il s'est préparé pour l'Umrah. Il va couper ses ongles, se raser, les aisselles, tout ça, et se doucher, faire un ghusl, et ensuite il va porter son ihram. C'est pas une condition d'acheter un nouveau ihram. Le premier, il peut le garder. Et s'il a été sali, il le nettoie, il le porte. Allah n'aime pas le gaspillage. Donc, il va porter son ihram, et il va mettre l'intention de l'hajj, de l'endroit où il réside. S'il est dans un hôtel, il va le faire, il va le mettre dans l'hôtel. Et ensuite, il va se diriger vers Mina, afin de faire salat al-dhuhr à Mina. Après Shuruq, vers 8h, 9h, mais ça on parle des gens qui ne sont pas liés à des agences. Ceux qui sont avec des agences, ils suivent leurs agences et l'organisation des agences. Donc il va sortir de Mecca, se diriger vers Mina, et la sunna c'est d'arriver avant Dhuhr et de faire Dhuhr là-bas, à Mina. Il va faire 5 salawats. Il va les faire dans leur temps, sans les regrouper, mais il va les raccourcir, car il est voyageur. Même si c'est un Mekkois, il fait le Hajj, il raccourcit les salawats. Taïb. Il va faire Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. 5 salawats. Chacune dans son temps, sans les raccourcir. Sans les regrouper, afwan. Mais il les raccourcit. Après le Fajr, après le lever du soleil du jour 9, qui est le jour de Arafah, le jour 9 du mois de l'Hijjah, il va se diriger vers Arafah, tout en faisant Talbiya et Takbir. Il va faire Talbiya, il va faire Takbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et s'il arrive avant Dhuhr, il va s'arrêter avant Arafah. Le Nabi alayhi salam, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Namira, proche de Arafah. Jusqu'à avant l'heure de Dhuhr, il est entré, après Zawal, il est entré à Urana. Il s'est arrêté à Urana, et Urana aussi allait avant Arafah. Et c'est à Urana, c'est là où la mosquée est construite aujourd'hui. C'est là où l'imam, ou le Nabi A.S. à l'époque, qui a fait Al-Khutba. Il a fait une Khutba, yani adaptée à la situation des pèlerins, à ce qui les attend, à leur enseigner le tawhid, à leur enseigner les fondements de l'islam, et c'est ce qu'ils font, alhamdulillah. Taïb. L'imam, il va faire une Khutba. Après, ils vont faire l'adhan et l'iqama. Ils vont faire salat al-dhur, et ensuite ils vont faire l'iqama. Et ils vont faire salat al-asr, ils vont regrouper ces deux salawats et les raccourcir. Ils vont les faire à l'heure de dhuhr. Un seul adhan, deux iqama. S'il est avec l'imam, il le suit. S'ils sont dans une tente, yani, il désigne un parmi eux qui va leur faire ces choses-là, qui va leur faire salat. Et après les deux salawats, dhuhr et l'asr, commence la station de Arafah. S'il peut être en bas de la montagne de Rahma, comme le Nabi a fait, c'est bien. Sinon, partout où il est à Arafah, il est dans la station de Arafah. Regardez la facilité. Et ne cherchez pas à vous compliquer les choses alors que Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Surtout si vous êtes avec une agence. Car il y a des jeunes qui ont le Hamas, ils veulent être dans la montagne, ils s'épuisent. Il n'est pas ni cité dans ta tente, tu es à l'ombre, tu as une clim, tu as à boire, tout ça t'aide à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quelqu'un qui s'épuise avec le soleil, il se fatigue à parcourir des distances, et quand il s'agit de dua, il est faible. Ça démontre qu'il n'y a pas de bonne compréhension. Donc, et dans cette station de Arafah, il fait tahlil. Car c'est la meilleure invocation de Arafah. أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي أو عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ça c'est la meilleure chose que tu puisses dire. Et c'est la meilleure chose que tous les prophètes sans exception ont dit dans cet après-midi de Arafat. Et la sunna pour celui qui est dans Arafat, pour le pèlerin, de ne pas jeûner. De ne pas jeûner, car le Nabi Aïssa-Salam n'a pas jeûné. Contrairement à ceux qui ne sont pas dans le Hajj, la sunna pour eux, c'est de jeûner. Et ils ne cessent d'être dans cette station, dans le dua, dans l'espoir de la miséricorde d'Allah, dans l'invocation pour lui, pour ses frères, pour la Ummah, pour les gouverneurs de l'islam, des pays de l'islam, afin qu'ils jugent avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se conforment à la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Il leur fait dua, car le signe de la personne parmi Ahl Sunnah, parmi ses signes, c'est qu'elle fait dua pour son gouverneur. Car avec sa réforme, tout le pays se réforme. Et non pas faire dua contre lui. Ça, c'est le signe de l'Khawarij. Au pire, c'est un musulman qui est tombé dans un égarement. Quand tu vois un musulman qui est tombé dans un égarement, tu dis qu'Allah te coupe la tête. Non, tu dis qu'Allah te guide, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'aide. C'est comme ça le croyant. Son cœur est rempli avec le bien pour les gens. L'amour du bien pour les gens. Et non pas la haine. La haine de ceux qui la méritent, c'est une adoration. Naam. Amma pour le muslimin, il aime leur bien, il aime leur guider. Et il n'y a pas de contradiction entre ça et détester la personne proportionnellement à ses péchés. Et détester les innovateurs proportionnellement à la gravité de leurs innovations. Comme bien même c'est des muslimines. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et j'aime ça guider. Et je lui fais dua. Et je demande à Allah de le guider, de le ramener à la sunna. Il n'y a pas de mal. Au contraire, c'est ça le croyant. Et c'est comme ça qu'ils étaient les salafs. Donc, il faut réaliser ce que c'est cet après-midi de Arafat. C'est une après-midi exceptionnelle. C'est une des deux meilleures journées dans l'année. Le jour de Arafat et le jour suivant qui est le jour de l'Eid. Un jour dans lequel Allah affranchit le plus de serviteurs du feu de l'enfer. Un jour dans lequel Allah y vante ses serviteurs qui sont venus l'adorer, il les vante devant les anges. Il dit, regardez mes serviteurs. Regardez mes serviteurs. Allahu Akbar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver d'accomplir cette adoration, l'adoration de l'Hajj. Wallahi, s'il n'y avait que la station de Arafat dans l'Hajj, ça aurait suffi. C'est pour ça que le Nabi Aïssa a dit Al-Hajj Arafah. Al-Hajj Arafah. Comme si le Hajj était limité à Arafah. C'est le pilier le plus important dans Arafah. Un jour dans lequel Allah descend dans le ciel du bas monde, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. On n'a jamais vu Shaitan aussi dédaigné, aussi humilié, aussi méprisé, aussi rabaissé que dans ce jour-là. Tellement il voit la miséricorde d'Allah qui descend sur les serviteurs, il voit son pardon, il voit son affranchissement. Allahu Akbar. Alors ne perds pas un instant de cet après-midi dans les discussions futiles. Sois un homme déterminé, sois ma sœur en Allah, sois une sœur, une femme, comme étaient les sahabiyat, déterminée. Yani, je suis venu pour adorer Allah, c'est une après-midi. Ça se termine rapidement. Wallahi, t'as l'impression que c'est même pas une heure. Wallah al-musta'an. Après la station de Arafat, après le coucher du soleil, se termine la station de Arafat. L'Hajj, il se dirige vers Muzdalifa dans la sérénité. Il déferle de Arafat vers Muzdalifa. Dans la sérénité, dans la tranquillité, dans l'apaisement, et jusqu'à arriver à Muzdalifa, là où il va regrouper le Maghreb et l'Isha. De même, il fait un seul adhan de Iqama. Et ensuite, il va dormir. Est-ce qu'il fait le witr? Wallah alam, il fait le witr. Car le Nabi alayhi salam n'a jamais délaissé le witr. Même si ça n'a pas été cité, c'est que le Nabi alayhi salam, il le faisait tout le temps. Et ensuite, juste après, il dort. Si tu as faim, mange un petit peu. Et le mieux, c'est que tu manges sur la route. Si tu viens en bus, Sur la route, tu manges un petit peu, tu bois, comme ça t'arrive, tu vas faire tes besoins, tu fais les salawats, tu t'endors directement après, afin de te lever en pleine forme pour cette grande journée, la journée de l'Eid. Donc tu vas passer la nuit à Muzdalifa, sauf les démunis, les hommes faibles, les hommes âgés, les femmes, toutes les femmes sont des démunis, les accompagnateurs de ces démunis, tous, après la moitié de la nuit, ils peuvent quitter Muzdalifa. Lakin, ils n'ont pas le droit de lapider la stèle jusqu'au lever du... jusqu'à après le Fajr. Et pas avant. Ils ont le droit de ne pas rester. Ils vont aller se reposer dans un endroit meilleur pour eux. Lakin, ils attendent pour lapider la stèle. Payib. Dès que on voit le Fajr, yani on va faire Salat al-Fajr en début de son temps. Si le Fajr il est à 5 heures, yani tu te réveilles, tu fais tes ablutions et tu fais Salat al-Fajr directement. Tu fais Salat al-Fajr directement. Si tu peux à Muzdalifa être sur la montagne de Muzdalifa, qu'on appelle Mash'ar al-Haram, le mont sacré, fais-le. Si tu peux pas, toute Muzdalifa est une station, alhamdulillah. Et t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala, après Salat al-Fajr, je parle de après Salat al-Fajr, tu loues Allah, tu l'invoques, tu le glorifies, tu fais takbir, et tu restes comme ça, à faire des invocations et des évocations, jusqu'à ce que le soleil jaunisse, avant le lever du soleil. Juste avant le lever du soleil, tu t'arrêtes, et tu quittes Muzdalifa pour Mina. Tu te diriges vers Mina. Également dans la sérénité, dans la tranquillité. Et il y a un endroit, là, tu vas pas savoir lequel, qui s'appelle Batn Muhassir. Cet endroit, personnellement, je le connais pas. C'est l'endroit où l'éléphant de Abraha al-Habashi s'est arrêté, qu'il avait ramené pour démolir le Kaaba. C'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté. Si tu connais cet endroit-là, tu t'arrêtes. Je veux dire, tu marches rapidement. Tu marches rapidement. Et cet endroit, il est à Mina. Et ensuite, tu te diriges vers la grande stèle, la première qui est à côté, de Mina. Car toi, tu vas de Arafat vers Muzdalifa, vers Mina, vers Mecca. C'est une ligne droite. Donc là, tu es venu de Arafat vers Muzdalifa. Maintenant, de Muzdalifa vers Mina. Tu te rapproches de Mecca encore. Plus, Mina, c'est la frontière de Mecca. Et la première stèle que tu vas trouver devant toi, c'est la grande stèle. C'est celle-là qui sera lapidée le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. Tu vas lapider cette stèle avec 7 cailloux, plus grand qu'un pois chiche, plus petit qu'une fève, et c'est ça la sunna, tu vas lapider avec cette stèle. Tu vas être en face de la stèle, et Mecca, elle est à ta gauche, et Mina, elle est à ta droite. Mecca, elle est à ta gauche, et Mina, elle est à ta droite. C'est-à-dire, tu vas venir du côté qui est en face de Masjid al-Khayf, de la stèle. La stèle, elle a deux côtés. Tu vas venir de ce côté-là. Et c'est facile à voir. Yani, Mecca, elle est à ta gauche. Si tu descends, c'est Mecca. Si tu remontes, c'est Mina. Donc, Mecca, elle est à ta gauche. Et Mina, elle est à ta droite. Tu lapides dans cette station-là. De cette manière-là, comme ça, le Nabi A.S. a fait. Tu lapides avec sept cailloux. Avec chaque caillou, en jetant le caillou, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 7 cailloux. Et dès que tu as jeté le 7e caillou, At-Talbiya s'arrête pendant ton pèlerinage. Et tu ne lapides cette stèle qu'après le lever du soleil. Comme j'ai dit, même pour les gens qui ont quitté Muzdalifa après la moitié de la nuit, ils attendent le lever du soleil pour lapider la grande stèle, le jour de l'Eid. Et quand tu as terminé de lapider, tu vas te raser les cheveux. Pour les hommes, sunna c'est de se raser, sinon raccourcir c'est aussi légiférer. Mais c'est le rasage est meilleur. Et après le rasage, normalement, t'as acheté le ticket ou t'as chargé une personne de d'immoler la bête pour toi. Donc après cela, tu peux aller te doucher, porter des camises, des beaux vêtements, te parfumer. Et pour aller ensuite, tu manges, tu te reposes un peu. Et ensuite, tu vas à Mecca pour faire tawaf al-ifada. Le Nabi alayhi salam, il a fait tout ça dans la même journée. Si ton organisation, ils te disent, on va rentrer à Mina dans nos tentes, et tawaf, on le fera le lendemain, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc l'ordre, c'est ça. C'est ça l'ordre meilleur. Lapider, rada, ensuite sacrifier, ensuite raser, ensuite faire tawaf. Ça, c'est l'ordre que le Nabi alayhi salam a fait. Mais si tu inverses l'ordre et tu fais passer une chose après, avant l'autre ou là après l'autre, il n'y a aucun mal. Le Nabi alayhi salam a dit « Fais et il n'y a pas de mal. Fais et il n'y a pas de mal. » Si tu peux demander à ce qu'on te ramène un peu de foie et un peu de viande de ta bête que tu as sacrifiée et que tu manges ça, c'est bien, c'est une sunna. Et en général, il y a des agences, surtout les agences qui travaillent bien avec, à l'époque avec les pèlerins, ils leur faisaient ça, ce service, ils leur amenaient des moutons grillés pour tous les pèlerins. Et comme j'ai dit, on rase la tête. Et la sunna dans le rasage de la tête, tout le temps, pas seulement dans le pèlerinage, c'est qu'on rase d'abord le côté droit. Et même si tu raccourcis le côté droit de la tête. Ensuite, tu commences par le côté gauche. C'est ça, la sunna. Et ensuite, comme j'ai dit, tu vas faire tawaf al-ifada. Et tawaf al-ifada, tu le fais comme tu as fait tawaf al-umra ou comme tu as fait tawaf al-qudum pour celui qui a fait le qiran ou l'ifrad. Et après tawaf, par contre, dans ce tawaf, tu ne vas pas faire l'ittiba' ni ramal. Marcher vite dans les trois premiers tours ni découvrir l'épaule dans les sept tours. Ça se fait dans le premier tawaf que tu fais à Mecca. Seulement. Et ensuite, après tawaf, tu vas faire les deux rak'at derrière le maqam de Ibrahim. Également, boire zamzam, en mettre sur la tête, revenir faire un signe à l'Hajar al-Aswad. Et comme ça, tu auras fini tous les piliers de ton pèlerinage et tu te désacralises la grande désacralisation, c'est-à-dire il devient autorisé pour toi d'avoir des rapports avec ton épouse. Amma, après la petite désacralisation qui a eu lieu après la lapidation et le rasage, après celle-là, c'est la petite désacralisation, tu peux te parfumer, tout devient autorisé à l'exception des rapports et des préliminaires. Quand on dit les rapports, les préliminaires rentrent. Donc comme ça, tu auras fini. Il va te rester que les trois jours que tu vas passer à Mina, ou les deux jours pour celui qui part le 12. Pour celui qui reste jusqu'au 13, il a trois jours à Mina, dans lesquels il va rester à Mina, à invoquer Allah, à lire le Coran, à faire les salawats dans leur temps raccourci, et ne pas les regrouper, et assister s'il y a des cours de savants de confiance. C'est pas toute personne qui donne des cours t'écoute, là. C'est pas toute personne qui fait partie des grands, du comité des grands savants est un grand savant. Et c'est pas pour toute personne qui enseigne dans la mosquée du prophète, c'est un savant salafi. Non, tu dois te renseigner, demander aux savants qui sont les hommes de science auxquels on peut écouter. Donc, tu vas passer ces trois journées qu'on appelle Ayyam Tashriq, qui sont des jours de fête également et des jours d'adoration et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque jour, tu as une seule adoration spécifique au pèlerinage que tu vas accomplir, qui est une obligation. C'est après Zawal, après avoir fait Salat al-Dhuhr, ou là avant, l'essentiel c'est après Zawal, après que le soleil s'écarte du zénith. Tu vas vers les stèles, et tu vas lapider les trois stèles. Donc chaque jour, tu auras besoin de 21 cailloux. 7 multiplié par 3. 7 multiplié par 3. T'emmènes avec toi 21 et t'emmènes quelques-uns en plus. Si jamais un caillou tombe avant que tu puisses lapider avec ou la étendre en dehors du cercle réservé. Comme ça, tu auras de quoi compléter. Là, qu'il y a un caillou tombe, tu peux le récupérer, il n'y a pas de mal. Il y en a qui voient que ce n'est pas autorisé, là qu'il n'y a pas de mal. Taïb, tu vas lapider la première stèle, et là, il y a des détails très importants pour suivre le Nabi A.S. avec munici. Quand tu vas lapider la première stèle, tu vas te mettre comme tu t'es mis pour le jour de l'Eid. Mecca à ta gauche, Mina à ta droite. La mosquée de l'Khaïf derrière ton dos. Tu vas lapider la première stèle de ce côté-là. Et ensuite, tu vas vers le côté droit de la stèle, à droite de la stèle. Tu t'avances un petit peu à droite de la stèle et tu vas te diriger vers le Qibla et tu vas faire une longue invocation, l'équivalent de Sourate al-Baqara. Lakin, invoque Allah comme tu peux. 5 minutes, au moins fais 5 minutes. Fais 5 minutes, et c'est parmi les stations, les moments dans lesquels Nabi Al-Sallam a invoqué Allah le plus dans le pèlerinage. Il est resté debout, il a levé ses mains vers le ciel et en direction de l'Qibla, il a invoqué Allah. Il a invoqué. Demande-lui de te pardonner, demande-lui d'effacer tes péchés, demande-lui de te guérir de la sorcellerie, de l'aïn, de l'mess, d'éloigner de toi shayatin, de faciliter pour toi le hijra, de te donner la science et de te faciliter la mise en pratique de la science, et ainsi de suite, d'augmenter ta foi, de t'accorder al-firdaus al-a'la, de te maintenir sur la voie de tawhid et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort et de le rencontrer sur ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Une fois que tu as fini, tu vas vers la deuxième stèle. Du même côté, tu lapides les 7 cailloux et ensuite, tu vas à gauche de la stèle cette fois. La première, tu es allé à droite. Maintenant, tu vas avancer à gauche et tu vas voir des gens qui ont une bonne apparence. En général, tu les vois dans ce côté-là, qui appliquent la sunna. Ça va t'aider. Il y en a les gens, comme on a vu précédemment, dans le pèlerinage, ils s'attachent à suivre sunnah. Il a payé 10 000 euros, pas pour refuser son hajj. Il fait très attention, avec munici. C'est pour ça, c'est rare de trouver des gens qui ne respectent pas la sunnah dans le pèlerinage. Yani, à la lettre, toutes les choses qu'on décrit maintenant, c'est des sunnahs. Si tu ne les fais pas, ton pèlerinage est valide. Lakin, les gens, comme ils ont payé, il veut faire les choses à la perfection et ne rien rater. Donc tu vas à gauche, tu lèves tes mains, t'invoques Allah en direction de l'Qibla, t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala aussi longtemps que possible. Et ensuite tu vas vers la troisième stèle et tu la lapides du même côté, Mecca à ta gauche, Mina à ta droite, et quand tu l'as lapidé, tu t'arrêtes pas pour faire des invocations. Nabi Al-Sallam ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté après la première et la deuxième et non pas après la troisième. Et tu feras de même pour le 12e jour et le 13e jour si tu restes encore pour le 13e jour. Donc voilà le pèlerinage du début jusqu'à la fin, alhamdoulillah, avec les détails, tous les détails nécessaires et toutes les sunnans. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à nos frères et sœurs qui vont accomplir le pèlerinage cette année et d'accepter d'eux et de leur faciliter de profiter pleinement. Et pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, faut savoir qu'ils ont des grandes adorations. Eux aussi, ils ont des grandes adorations, comme le jeûne dans ces jours-là, comme la multiplication de dhikr et de dua et de la lecture de le Coran et de l'apprentissage de la religion, les bonnes actions. Chaque bonne action que tu fais dans ces jours-là est meilleure que le jihad. Allahu Akbar. meilleur que le djihad, à l'exception d'une seule catégorie de le djihad, et c'est une catégorie rare. C'est celui qui sort avec tous ses biens et avec sa personne, il ne revient avec rien de tout cela. Wallah al-musta'an. Ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Demande à Allah de te faciliter. Tu connais que c'est un bien. Tu connais que tu as une chance d'être en vie pendant ces jours-là. Mais des fois, on perd notre temps. On n'arrive pas à faire. Pourquoi? Car on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala assez de nous aider. Dis la hawla wa la quwwata illa billah. En comprenant ce que ça veut dire, répète-la souvent. Et il t'aura facilité ce qui est difficile. Et dit, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Et demande à Allah l'aide et la facilité, et tu seras facilité. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.